Devant l'enlèvement des Sabines, elle me dit: tiens, c'est amusant, vous avez les mêmes chaussures que mon ex, mais lui chaussée du 46. On sort du Louvre, je lui propose un café à la terrasse d'un café. Elle commande un jus de goyave, elle dit c'était sa boisson préférée. Le serveur a l'accent de Toulouse, elle dit qu'elle connaît bien la ville. Laurent, son ex, est de là-bas. D'ailleurs, en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Avec une très grande attention, elle dévisage mes deux mains. Ce sont les mêmes, semble-t-il, que celles de son ex-copain. J'avais pas vu le déjà vu. Si j'avais su, j'aurais pas vu. Je l'invite dans un resto pâquerade et je choisis un plat de tripe. Elle est complètement renversée car c'était son plat favori. Un tout dernier verre chez elle, juste à côté de la Bastille. Rien que pour moi, elle commente tous les tableaux du Toulousain. Bon, y'en a marre, je me jette sur elle, la pipelette se laisse faire. À la vue de son string léopard, je suis quand même un peu perplexe. Pantalon sauvagement arraché, elle ne regarde plus mes mains. Elle dit c'est vraiment incroyable, tu as la même en plus petit. De toute façon, je m'en fous. Elle ressemblait trop à ma mère.